précédemment, s'interroge principalement sur l'après-attaque de Paris. En adoptant autant que faire se peut une position critique sur le passé, le présent et le futur de la France dans cette guerre contre la terreur. Le passé d'abord, d'un État au lourd héritage, celui d'une colonisation sans merci, dite civilisatrice, sur la totalité du globe, Afrique, Moyen-Orient, Amérique, Asie, Océanie. Là-bas, dans ses possessions outre-mer, des centaines, des millions, des milliards de vies humaines mises au pas, enchaînées ou sacrifiées pour le besoin de la mère patrie, pour Paris et ses beaux quartiers. Un passé, comme on dit clos, qui, dit-on, existe et que, qui n'existe plus et que, de temps en temps, on tente de redorer l'image, comme ce fut le cas en 2005 avec l'article 4 de la loi du 23 février, qui statuait que les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer. Un passé qui trouve écho aujourd'hui dans l'interventionnisme français sur le continent africain et ailleurs, notamment avec les quelques 200 opérations françaises à l'étranger entre 1962 et 2000. Le présent ensuite, se définissant sur le plan national par une montée de l'extrême droite, comme on a pu le voir dernièrement dans les élections. L'adoption d'un discours et de politiques sécuritaires, la création d'un ennemi intérieur identifié comme musulman, la multiplication d'actes islamophobes à travers le pays et la mobilisation de l'opinion publique dans une guerre qu'on dit des civilisations. Alors que sur le plan international, ce présent se compose d'une multiplication de conflits armés entre les puissances, de déplacements massifs de populations d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, et de crises économiques, politiques et environnementales inquiétantes. Le futur, finalement, qui est difficile à prévoir, mais qu'on représente dans ses plus beaux atouts, mais qu'en réalité, il se base sur des équations simplistes telles que l'anéantissement du groupe islamique, du groupe État islamique égale l'anéantissement du terrorisme, alors qu'en réalité, nous l'avons vu avec Al-Qaïda, la violence en entraîne qu'une plus grande violence. En effet, qu'entendons-nous de ces politiques de sécurisation, de ces opérations de pacification, de ces bombardements que l'on dit propres, de cette guerre contre la terreur? Ce soir, Tadamon accueille Houda Assal, post-doctorante à l'Université McGill, et aussi spécialiste de l'islamophobie, et Junaid Khan, journaliste et écrivain activiste, pour discuter avec nous de cette France à la croisée des chemins. Donc, pour ce soir, ça va être vraiment très informel comme discussion. On va inviter les personnes qui désirent prendre la parole à garder pour la période à la fin. Premièrement, on va poser, on avait quelques questions en tant qu'organisateur de l'événement. On avait une série de questions qu'on va poser à chacun de nos invités. Ils auront quelques minutes pour y répondre. Et ensuite, on va ouvrir la table ronde pour que tout le monde puisse s'exprimer. En fait, on va limiter les interventions du public à 5 minutes pour laisser tout le monde justement s'exprimer. Est-ce que vous allez bien? Oui, d'accord. Alors, pour la première question, je vais poser la question aux deux invités ici. Celui qui veut répondre, répondra en premier. Premièrement, parlez-nous de vous en tant qu'invité. Qui êtes-vous? Pour qui parlez-vous, comme on m'a proposé de demander? Pour que tout le monde, ça se fasse, en fait, la discussion soit transparente le plus possible. C'est ça, c'est vous. Alors, bonsoir, merci beaucoup d'être là aussi nombreux. Je suis assez contente de voir ça. Alors, je vais peut-être pas dire pour qui je parle, parce que je représente plus moi-même pour le moment. Mais peut-être que je parle d'une posture qui est à la fois scientifique et politique, évidemment. Peut-être juste vous dire que je navigue entre la France et le Québec depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai habité à Paris très longtemps, j'y étais il n'y a vraiment pas très longtemps non plus, donc j'y étais pas pendant les attaques, mais je suivais de très près ce qui se passait parce que j'ai énormément d'amis qui ont été affectés de manière très très proche. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est très dur quand ça devient un sujet qui est aussi proche physiquement. En même temps, évidemment, il y a des tueries et des horreurs qui se passent partout dans le monde auxquelles on est tout aussi sensible, évidemment. Alors, pour ma part, je travaille sur la question de l'immigration à la fois en France et au Canada. Je travaille sur l'immigration arabe en particulier, sur la question des discriminations et du racisme. Et depuis plusieurs années, sur une avec plusieurs perspectives. Je m'intéresse à la question de l'islamophobie, à la terminologie elle-même, donc on pourra y revenir si vous avez envie, mais aussi au débat que ce racisme, cette nouvelle configuration du racisme soulève en France, à la fois dans les débats publics et aussi pour les militants. Je m'intéresse tout particulièrement, je fais mon enquête de terrain sur les mobilisations, ce que j'ai appelé un espace militant contre l'islamophobie en France. Et du coup, je continue à être aussi en contact avec eux, donc pour voir ce qui s'est passé déjà après janvier 2015, hein, où ça a été, il y a eu une grosse reconfiguration des mouvements militants à ce moment-là, qui ont été vraiment attaqués, mais qui en même temps ont essayé de faire un front, et donc avec quel discours, à partir de quelle position. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a voilà, ce week-end, il y a notamment une journée internationale contre l'islamophobie en Europe qui devait être organisée dans plusieurs villes et qui sera toujours organisée, mais avec des thématiques également liées à la question de la guerre et de l'état d'urgence et des réponses aux attentats qui ont eu lieu. Donc voilà, peut-être un petit peu les perspectives que moi je peux apporter à ce débat-là et les questions auxquelles je peux essayer de répondre. Je pense que c'est très important d'être aussi capable d'avoir l'humilité de dire que parfois on ne sait pas. Et je crois que dans ces débats-là, c'est très compliqué. Il y a énormément de choses que je lis et que vous devez lire aussi sur pourquoi, qui sont les djihadistes, quelles sont les causes, etc. Et je pense que parfois, c'est vraiment très complexe. On manque énormément d'enquêtes de terrain, notamment pour ce qui se passe en Syrie, même si on sait beaucoup de choses. Voilà, donc il faut aussi parfois ne pas avoir des réponses trop hâtives et peut-être proposer juste des pistes de réflexion. Donc moi, je garderai aussi cette posture. Bonsoir à tout le monde, merci d'être venu en grand nombre. Comme Houda, je parle pour moi-même, je vais parler à mon nom personnel. Je ne suis pas Daesh, je ne parle pas au nom des musulmans, 1,6 milliard. Mais d'où je viens, quel est mon point de vue, mon regard, c'est celui d'un journaliste qui a œuvré pendant 40 ans à Montréal, essentiellement à contre-courant du discours des médias dominants, pour tenter d'expliquer le Sud global au public lecteur de Montréal, du Québec, du Canada français, de l'écrivain français, à la presse. Et dans ce contexte, j'ai fait des reportages dans une soixantaine de pays, dont plusieurs au Proche-Orient. J'ai passé beaucoup de temps avec les Palestiniens à une époque où on pouvait dire où les Palestiniens pouvaient encore vivre et se déplacer normalement. Normalement, tout est relatif. À l'époque du premier Intifada, surtout, jusqu'à 1990-91, et aussi en Irak, où j'étais en Irak en 90, quand l'Irak avait occupé le Koweït, et ensuite j'étais en Irak en 91, après la libération du Koweït, quand l'Irak était déjà soumis à des sanctions meurtrières qui devaient durer d'ailleurs 12 ans avant la nouvelle offensive de 2003. Et en 2003, l'année 2003, j'ai passé 3 mois de l'année en Irak. Avant les bombardements, sous les bombes, et quelques mois après, j'ai fait une tournée complète de l'Irak pour voir un peu comment s'installer l'occupation et comment s'organiser la résistance à l'occupation américaine. Alors, voilà à peu près l'expérience qui me guide, le regard que j'apporte. Et je voudrais peut-être surtout en premier lieu, tout à l'heure, quand je vais aborder carrément les questions, l'aborder par la question des médias, de la couverture médiatique, des événements de Paris, justement, et après, ce qui se passe, cette propagande creuse et criminelle qui ne fait que lessiver les cerveaux sans donner de contexte, sans aucune approche critique. On aura l'occasion tout à l'heure de revenir dessus. Merci. D'accord, merci. Et moi, je m'appelle Rémi, Rémi Polaï Troyes-Roy. Je suis étudiant ici à l'UQAM. J'ai une maîtrise en sciences politiques. Et puis, sinon, je suis aussi membre de TADAMON. TADAMON, c'est un collectif qui organise des événements en solidarité avec les luttes populaires dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Donc, c'est ça. Je pense que maintenant, on peut passer à aux questions qu'on avait préparées. Donc, à la lumière de la, à la lumière de la réponse qui a été apportée par la France aux attaques du 13 novembre, comment celle-ci, la réponse bien sûr, reflète-t-elle le passé colonial de la France, tout comme la poursuite de ce colonialisme à la française? Bon, question difficile. Voilà donc, la question est très bonne parce qu'elle me permet de faire le joint avec ce que je disais en concluant tout à l'heure, le contexte. Le contexte est très important. Et nous, on n'a pas de contexte. On n'a pas de contexte. Nos médias couvrent les événements comme si chaque événement est isolé, nouveau, sans passé, sans racine, sans cause. Gratuit, très souvent, parce que c'est toujours l'autre qui commet des crimes contre nous, les grandes victimes. Quand Rémi disait tout à l'heure que les attentats de Paris étaient les attentats les plus sanglants depuis la Seconde Guerre mondiale, cette phrase a été reprise en cœur par tous les médias dominants, anglais et français, et même dans d'autres langues. C'est vrai que comme attentat, j'imagine qu'on peut le dire, mais le reste a été passé sous silence. Or, le bain de sang n'est pas le plus sanglant à Paris depuis la Seconde Guerre mondiale. En 1961, quand les Algériens à Paris se sont réunis pour manifester en faveur de l'indépendance d'Algérie, la police française est intervenue brutalement et a matraqué pour tuer, et en a tué quelques 300 manifestants. Et beaucoup des corps ont été jetés par la police dans la Seine. C'est quand même un rappel intéressant que ce Paris, cette ville lumière, dont on nous fait rêver, nous dire que c'était l'attentat le plus sanglant à Paris depuis la Seconde Guerre mondiale, en passant sous silence le fait qu'il y a eu l'événement de 1961, que d'ailleurs les Algériens, les Maghrébins, les Maghrébins, les peuples des colonies qui sont maintenant installés en France, n'oublient pas. Et la France n'opère pas dans un vide, dans un espace vierge. Il y a une longue, longue écologie de l'islamophobie. L'islamophobie est venue à la mode après la fin de la guerre froide, à partir des années 90, avec le livre de Samuel Huntington, The Clash of Civilizations, le choc des civilisations, dans lequel d'ailleurs Huntington précise que le monde musulman va faire obstacle à la volonté de domination du monde de l'Occident. Et c'est pour ça qu'il identifie très clairement les musulmans, le monde islamique, ce qu'il appelle le monde islamique. D'ailleurs, c'est quoi le monde islamique? Tout à l'heure, on y reviendra. Mais, depuis que les Européens, au XIe siècle, sont partis en croisade, et les croisades ont duré 2 siècles. Il y a là une volonté d'islamophobie qui s'est manifestée dans des expéditions multinationales tous les peuples chrétiens d'Europe participaient aux croisades. Les Français étaient en tête, fille aînée de l'Église. Mais les Espagnols n'étaient pas loin, les Italiens, les autres peuples européens. Et l'histoire des croisades est une histoire qui est jalonnée de cadavres et de bains de sang. Et les Français intervenaient toujours pour protéger au nom de la protection de minorités chrétiennes d'Orient. Ça, c'est une expression qui va revenir, nous avons un ange parmi nous. Ouais, pas plus. C'est une expression qui revient sans cesse dans les discours officiels français. Que la politique de la France s'articule sur la protection des minorités chrétiennes d'Occident. Ce paradigme d'une puissance expansionniste, colonialiste, belliciste, comme la France, qui invoque la fragilité, la vulnérabilité des minorités chrétiennes en milieu islamique, c'est un paradigme vraiment qui a fait fortune dans la propagande occidentale. Parce qu'à chaque fois que l'Occident intervient quelque part, le géant militaire, il va toujours invoquer soit les droits individuels, soit il veut libérer les femmes musulmanes, soit il veut protéger les minorités de près et de loin. Et c'est sur cette même base que l'Occident défend l'État d'Israël, en rappelant toujours l'Holocauste, toujours la Shoah, et que le pauvre, petit, vulnérable État d'Israël a besoin de notre protection. Et pour cela, tous les crimes, toutes les injustices, etc., sont effacés, sont biffés, sont ignorés. Alors, question de contexte, très important, que cette France, qui a été à la tête des croisades, ensuite a colonisé une bonne partie du monde musulman, surtout le monde arabo-musulman, pendant que les Anglais s'étendaient même jusqu'en Asie du Sud, en Inde et ailleurs. Mais les Français, et à l'époque, je lisais l'autre jour un article qui parlait de l'Union française, à l'époque où il existait l'Union française, la France unie avec ses colonies. L'article datait de 1955, et l'auteur souligne dans l'article qu'à ce moment-là, en 1955, à l'intérieur de l'Union française, c'est-à-dire la France métropolitaine avec ses colonies, un quart de la population totale de cette Union française était musulmane. Et inversement, nous avons aujourd'hui 5 à 6 millions de musulmans en France. Vous avez peut-être entendu, moi je n'ai pas entendu, est-ce qu'il y a un seul État musulman qui s'est lancé à la protection des minorités musulmanes en France ? Sur la même logique que celle qui a justifié les croisades, c'est la protection des minorités chrétiennes en Orient. Je n'ai pas entendu aucun État musulman dire il nous faut aller protéger les minorités musulmanes en Occident. Et une des raisons principales, c'est que le monde musulman est une réalité amorphe et surtout floue. C'est surtout une entité de nature culturelle. Avec la religion, bien sûr, qui est au centre, mais la religion est pratiquée diversement. À part les fondements même de la prière et du pèlerinage à la Mecque et le jeûne du Ramadan. L'islam indonésien est autant indonésien qu'il est islamique. L'islam indien est autant indien qu'il est islamique. Mais ce que l'Occident appelle le monde musulman, ne correspond pas à une autorité politique centrale. Ça n'existe pas. La dernière autorité politique centrale du monde musulman était l'Empire ottoman, qui a régné depuis le 15e siècle jusqu'au début du 20e. Avec la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'effrite, éclate, et ce sont les Européens qui s'empressent pour se partager les dépouilles de l'Empire ottoman. Et depuis la disparition de l'Empire ottoman, il n'y a pas d'autorité centrale chez les musulmans, et il n'y a pas non plus de volonté d'avoir une autorité centrale. Et c'est un peu dans ce vide que intervient l'État islamique. En s'appelant l'État islamique, c'est une façon de projeter cette idée qu'il représente l'autorité d'État des 1,6 milliard de musulmans du monde entier, ce qui est faux. Il y a plusieurs sondages qui ont été faits et qui nous répètent que la plupart, la majorité écrasante des musulmans du monde entier, qu'il s'agisse d'Afrique, du Maghreb, du Moyen-Orient et d'Asie, sont contre Daesh. Ils considèrent que Daesh est l'incarnation même de l'islamophobie, que Daesh est anti-islamique. Mais tout ça, nos médias ne nous le disent pas. Et ce qui fait que quand le coq gaulois, en la personne de François Hollande, se dresse sur ses ergots pour proclamer « Nous sommes en guerre », ce qui est une bêtise. La France n'a jamais cessé d'être en guerre. Ni les États-Unis d'ailleurs, bien sûr, mais là nous parlons de France, du cas français. Depuis la fin de la guerre froide, je ne parle même pas là du Vietnam, de l'Indochine, etc. La guerre d'Algérie, les massacres à Madagascar. Mais pendant les années qui ont suivi la guerre froide, la France a été très impliquée dans les guerres de l'OTAN. Comme disait, a dit récemment d'ailleurs Mikhail Gorbatchev dans une interview, il a dit l'Occident, groupé autour des pays de l'OTAN, de l'alliance militaire la plus puissante de l'histoire de l'humanité, elle a cru qu'elle avait gagné la guerre froide. Et elle s'est lancée à la conquête du monde. Et c'est ainsi que l'Occident s'est égaré. L'Occident a perdu son chemin. Et que M. Hollande, donc, au lieu de reconnaître que, effectivement, nous sommes en guerre depuis longtemps, il dit non, nous sommes en guerre comme si la guerre commence après les attentats de Paris. Autant de fausseté et que nos médias colporte, rapporte, répercute à souhait. Et je me suis rendu compte comme journaliste à Montréal que si nos écoles, nos universités forment nos élites, nos opinions publiques sont formées par nos médias. Et nos médias font un bien piètre travail. Je dirais même un travail criminel. Merci. Deuxième question, donc on est dans le vif sujet, c'était de voir en fait comment justement cet héritage dont tu nous parlais se traduit dans le quotidien français. Comment en France on vit justement avec ce passé. Peut-être laisser la parole. Ah, pas peut-être là. Oui. Si tu veux bien. Alors, je suis un peu hésitante parce que c'est des questions tellement vastes, j'ai l'impression que je pourrais faire trois thèses pour te répondre. Donc, c'est un peu le biais difficile et je sens que je vais mal répondre. Donc, voilà. Alors, comment l'héritage colonial se voit, se ressent ? Alors, il y a énormément de dimensions et en même temps, la continuité directe entre héritage colonial et situation actuelle est toujours très délicat à faire, même si d'un point de vue militant ou du discours idéologique, il y a de plus en plus en France une tentative, notamment pour les descendants d'immigrés postcoloniaux, de penser ces questions de théorie postcoloniale. Donc c'est aussi une arme politique, il me semble, de parler de colonisation, presque plus que de faire uniquement une analyse scientifique des continuités. Alors il y en a plein des continuités, il y en a du point de vue administratif, on voit comment, j'en sais rien moi, d'anciens bureaucrates, agents coloniaux ont ensuite été transférés en France, en métropole, pour agir. Donc il y a vraiment des niveaux très concrets de ce qu'on appelle le postcolonial. Pour ce qui est vraiment de la question peut-être du racisme et de l'islamophobie, ce qui est intéressant quand même en France, la continuité, c'est peut-être qu'on a une espèce de conjonction entre les questions internationales, donc les pays, l'impérialisme français qui va être quand même très très fortement axé sur les anciens pays d'Afrique qui étaient les colonies françaises, donc on voit bien l'action française dans ces pays-là, et évidemment les pays du Moyen-Orient plutôt que les Français avaient colonisé, mais parfois les Anglais, puisque les Français ont un rôle quand même très important en Palestine, qui est post-colonial quand même, mais c'est pas leur colonie à eux, mais qui était une colonie britannique. Donc cette dimension internationale est très importante, elle explique les choix de politique internationale de la France. Au niveau national, je dirais qu'il y a, il y a plusieurs aspects importants. Peut-être la conjonction entre ce qu'on appelle des questions sociales, ouvrières et les questions post-coloniales, c'est-à-dire que la grande masse des immigrants qui aujourd'hui souffrent et des descendants d'immigrants qui aujourd'hui souffrent de racisme sont quand même ceux des anciennes colonies, alors qu'il y a eu une histoire du racisme à l'encontre des immigrants d'Europe en France qui était très importante, mais qui est plus ou moins résolue aujourd'hui, qui est même plutôt résolue aujourd'hui. Mais là où ça bloque, c'est les descendants de deuxième, troisième génération d'Africains et de Nord-Africains principalement en France. Donc évidemment, là, on a quelque chose qui est du domaine de l'héritage, y compris de la mémoire coloniale. Mémoire coloniale qui est très mal reconnue en France. Et ça, c'est très important aussi. Un des grands combats des militants, justement, politiques, c'est de faire parler de la guerre d'Algérie, de traiter de cette mémoire, ce qui est quand même toujours très lent en France, particulièrement lent. De parler évidemment de la question de l'esclavage, de la colonisation en général, que ce soit au niveau scolaire, médiatique, politique, artistique, il y a des résistances très fortes, parce qu'il faut quand même savoir qu'en France, on a énormément d'immigrants venus d'Algérie, mais on a aussi énormément de rapatriés d'Algérie, c'est-à-dire des Français qui étaient installés dans ces colonies, qui reviennent et qui se retrouvent avec des mémoires qui confrontent et qui résistent très fortement à la reconnaissance des questions coloniales ou du passé colonial français. L'autre chose qui me paraît très importante, c'est la manière dont les étrangers sont perçus et traités. Il faut savoir qu'en France, on a légalement une différence entre ce qu'on appelle les étrangers communautaires, donc les gens qui n'ont pas la citoyenneté française, et les étrangers non communautaires. Donc communautaires, c'est ceux qui font partie de la communauté européenne, donc de l'Union européenne. Donc eux ont tout un tas de droits supérieurs à ceux des étrangers qui viennent d'autres pays, donc qui ne sont pas d'Europe. Donc on voit là que ces discriminations-là, il y a des discriminations légales au droit du travail, il y a tout un tas de droits dont les étrangers, auxquels les étrangers n'ont pas droit. Je ne parle que des étrangers qui ont des papiers en règle, hein, je reviendrai sur les sans papiers aussi. Mais déjà, cette différenciation entre européens, non-européens dans les législations est tout à fait problématique sur la manière dont on perçoit les étrangers. Ce n'est pas la même chose d'être un Italien ou d'être un Malien en France. Donc ça, ça me paraît très important et c'est vraiment ancré dans les lois et dans les droits. Il y a une grosse lutte hein, pour l'égalité des droits pour les étrangers, tout un tas de droits. Et évidemment, pour ce qui concerne l'islamophobie, on a quand même, c'est un des pays qui a le plus de lois sur la question des signes religieux, la France. Donc on a inscrit légalement quelque chose qui relève quand même de l'héritage colonial, puisque le terme islamophobie se développe au début du XXe siècle, en 1910, dans le contexte du colonialisme français en Afrique de l'Ouest, où on va avoir des ethnologues, des administrateurs coloniaux qui vont commencer à parler d'islamophobie pour parler de la différence de traitement des musulmans colonisés et des autres religions. Donc on voit déjà une différenciation par le religieux dans l'administration coloniale. Et évidemment aujourd'hui, quand on a tout un tas de lois sur les signes religieux en France, on a évidemment, puisque ces signes religieux touchent à 90% quand même les musulmans et le voile, pour être plus précis, le hijab, évidemment, on voit bien, ou le niqab d'ailleurs, parce qu'on a des lois sur les deux. Donc là, on voit bien une différenciation qui est quand même héritée de tout un passé colonial. Pour vous donner qu'un exemple, et je m'arrêterai là, les militants utilisent énormément, et c'est très fort ces derniers temps dans la question postcoloniale, la description, ce qu'on appelle les cérémonies de dévoilement en Algérie. À la fin des années 50, en Algérie, en pleine guerre d'Algérie, de guerre d'indépendance, l'administration française organise des cérémonies sur la place d'Alger pour dévoiler, enlever le haïk, je crois, des femmes, c'est l'espèce de voile traditionnel que les femmes avaient, blanc. Et donc, ils arrivent et ils enlèvent les voiles des femmes. Et donc, ces cérémonies de dévoilement sont énormément utilisées dans le discours militant aujourd'hui pour faire un parallèle entre ce moment où l'administration coloniale française voulait montrer comment elle allait émanciper et libérer les femmes indigènes et comment jusqu'à aujourd'hui elles veulent encore libérer et émanciper les femmes en légiférant ou en discriminant sur la question du voile. Donc voilà, ce sera certainement pas assez complet, mais voilà, quelques petites idées. Revenir sur cette guerre d'Algérie, peut-être, je ne sais pas si tout le monde connaît ce qui s'est passé durant ces années-là. Est-ce que quelqu'un voudrait peut-être nous expliquer ce qui s'est passé dans cette guerre, mais aussi justement l'héritage de cette guerre en France? Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur ce sujet difficile? Non, je veux dire deux mots de contexte. L'Algérie a été colonisée par la France au XIXe siècle, en même temps que l'Algérie a imposé son protectorat sur le Maroc et la Tunisie. Mais l'Algérie était vue très spécialement comme une colonie de peuplement. Alors qu'en Tunisie et au Maroc, la France a pratiqué ce qu'on appelle la colonisation d'encadrement. Pour l'Algérie, la décision a été prise qu'ils allaient peupler l'Algérie de Français pour en faire une terre française. Et sur plus d'un siècle, la population française en Algérie a augmenté. Je n'ai pas les chiffres précis, mais je pense que à l'époque de l'indépendance ou juste avant, il y avait à peu près 4 à 5 millions de Français en Algérie. Un million d'Européens et 1 million. D'accord, merci. Alors, 1 million quand même, cela démontre la volonté française de peupler l'Algérie pour en faire un territoire français. Et c'est quand les Algériens décident de prendre les armes pour se libérer, pour leur indépendance, dans les années 50, commence la guerre d'Algérie. Et la France a été impitoyable dans la répression, surtout contre les civils, selon le fameux adage impérialiste anti-insurrectionnel. Pour tuer le poisson, il faut assécher les temps. Donc, comme c'est les civils qui soutenaient les maquisards, ce sont les civils qui payaient le prix fort de la répression française. Pendant la même période, souvenez-vous, la France menait la guerre au Vietnam. Une guerre qui va d'ailleurs déborder éventuellement sur le Cambodge et le Laos. Et là-bas aussi, la France avait mené une politique coloniale, pas avec autant de peuplement qu'en Algérie, mais la France ne voulait pas lâcher l'Indochine. Et la France s'est maintenue à cette époque là-bas. Le prétexte était la guerre contre le communisme, au nom du monde libre. En Algérie, c'était vraiment la présence de ce million et puis le fait que la France, pays méditerranéen, pouvait avoir un territoire aussi vaste que l'Algérie de l'autre côté, sur l'autre rive de la Méditerranée. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, une bonne partie des forces de la France libre étaient basées en Algérie ou en Afrique du Nord. À l'époque où les Allemands occupé le territoire français sous le gouvernement de Vichy. Et donc, c'est cette guerre qui finalement, avec l'arrivée de Charles de Gaulle en 1958, va prendre une tournure différente. Charles de Gaulle a assez de clairvoyance pour voir que la France, d'abord, ne peut pas gagner la guerre, et si elle gagne, la France va être empêtrée dans des problèmes complexes qui vont durer très longtemps pour chercher à administrer le territoire. Donc, il va finir par amorcer un virage de dialogue avec la direction du FLN, qui était le fer de lance du mouvement de libération d'Algérie, ce qui va aboutir aux accords d'Évian en 62 et amener l'Algérie à l'indépendance. Et c'est à ce moment-là que les Français installés en Algérie vont même se révolter contre le régime de Charles de Gaulle, avec notamment l'organisation terroriste qui s'appelait OAS. Et ils ont même d'ailleurs mené un attentat contre Charles de Gaulle, un peu comme Nathuram Godse avait assassiné le Mahatma Gandhi, parce qu'il le voyait comme un traître à la cause de l'Inde. L'OAS a cherché à éliminer Charles de Gaulle. Voilà, en deux mots, la réalité, le contexte de la guerre d'Algérie. Je peux compléter, si vous voulez. S'il y a besoin, je peux compléter. Je vais prendre ça. Merci. L'Algérie a été colonisée. L'Algérie existait plus ou moins. Enfin, c'est un territoire qui était aux mains de Dubé d'Alger. Dubé d'Alger qui a été et il y a eu une victoire en 1830. Les Français ont débarqué à l'USMB, ont mis la main sur la Casbah à Alger, et puis ont commencé à coloniser l'Algérie. Sauf que jusqu'à la Troisième République, on ne sait pas quoi faire de l'Algérie. Il y a un grand rêve de Napoléon III de faire une nation arabe en Algérie, et puis une politique coloniale traditionnelle vis-à-vis du monde arabe à partir de l'Algérie. C'est un échec, excusez-moi, j'ai parlé plus fort. C'est un échec, et finalement, c'est la Troisième République qui va intégrer, en même temps que la République se crée en France, l'Algérie va être annexée au territoire français. Donc l'Algérie va faire partie de la France, à la fois de la France et de ses institutions, à partir de la Troisième République. On va donner une citoyenneté à beaucoup d'indigènes, les indigènes juifs d'Algérie vont être reconnus comme citoyens français, et on va essayer effectivement de faire une colonie de peuplement, mais la colonie de peuplement en France, ça ne fonctionne jamais. La preuve, la Nouvelle-France. C'est comme ça. Alors on va envoyer en 1870, on va envoyer quelques communards qu'on ne peut pas garder à Paris parce qu'ils sont un peu trop romains. On va envoyer en 1870 aussi des Alsaciens lorrains qui veulent rester français, qui ne veulent pas passer, sous la domination allemande. Et on va nationaliser, rendre citoyens tous les peuples européens qui sont en Algérie, c'est-à-dire qui sont commerçants, le petit peuple, on va dire, de la Méditerranée, les Maltais, les Italiens, les Siciliens, les Espagnols, etc., vont devenir français. Et la plupart des musulmans vont être en dehors de la citoyenneté française dès le début de l'intégration de l'Algérie à la République française. Il faut comprendre que l'Algérie, c'est trois départements français. Ça appartient à la France. Je veux dire, comme le Québec appartient au Canada. S'il devait y avoir une guerre, finalement, d'indépendance, c'est comme s'il y avait une rupture du territoire français. Ce qui explique aussi les tentatives de démocratisation en Algérie ont toujours échoué. L'Algérie a été, contrairement à ce que vous avez dit, a été vichiste, je dirais, dès les années 1920. A combattu le Front populaire, les colons et les Européens ont combattu le Front populaire. L'Algérie est restée vichiste jusqu'en 1942. 1942, l'opération Torche, les Anglais, avec les troupes canadiennes aussi, débarquent en Algérie et libèrent l'Algérie. On installe un gouvernement provisoire de la France dirigé par De Gaulle. De Gaulle ne fait rien du tout pour démocratiser les institutions algériennes. on essaye en 40, enfin, les Français essayent de démocratiser l'Algérie en 1946, et c'est la grande bataille du statut de l'Algérie dont on n'a aucune historiographie en France qui est correcte. C'est un échec total et ça provoque finalement la guerre d'Algérie en novembre 1954. La guerre d'Algérie est déclenchée en 1954, mais ce n'est pas tellement le 1er novembre 1954. C'est que les gens veulent, les musulmans veulent un statut, soit veulent être français, puisqu'on leur refuse, ils veulent devenir maîtres dans leur pays. Ils souhaitent un processus d'indépendance, d'autonomie sur du long terme. Et la guerre d'Algérie va vraiment s'enclencher en 1956 avec l'arrivée du socialiste Guy Mollet, qui va rendre les choses un peu plus dures, qui va mettre en prison, sous prétexte de négociation, qui va mettre en prison des chefs du FLN. Et finalement, la catastrophe majeure va être en 1958, avec une rébellion des Européens d'Algérie et de l'armée française, qui comptait marcher sur la France pour dissoudre la République. Et finalement, De Gaulle va prendre le pouvoir à ce moment-là et va rétablir la Ve République. De Gaulle a une lourde responsabilité sur la guerre d'Algérie aussi à partir de 1946. On va éviter ça. Et De Gaulle arrive avec soi-disant, une politique d'Algérie française, c'est-à-dire de rendre l'Algérie française encore un petit peu plus. Et finalement, pour moi, il savait que c'était déjà perdu par rapport à 1946. Donc il va engager un processus d'élection de tous les Algériens, de consultation de tous les Algériens, qui va finalement aboutir de toute façon à l'indépendance de l'Algérie. De Gaulle et les politiciens français n'avaient pas prévu que les rapatriés, que les pieds noirs, les Européens d'Algérie, partent d'Algérie. Et il y a eu un extrémisme, un contre-terrorisme européen par rapport aux exactions aussi du FLN. Et la plupart des Européens vont partir du jour au lendemain en France. Ce n'était pas du tout prévu par les accords d'Évian. Et ils vont ramener avec eux effectivement une mémoire coloniale très très très marquée, très anti-musulman, anti-algérien, avec eux en France. Et en même temps, on va ramener aussi une immigration essentiellement algérienne qui va construire la France dans les années 60. Je vais juste citer les travaux de Jean-Louis Planche, qui sont à l'encontre un peu de tous les travaux qui sont actuels. Merci beaucoup. C'était très court. C'est un cours d'histoire en quelques minutes. Merci. Merci. La troisième question, en fait, concerne l'islamophobie. On en a parlé dernièrement et aussi dans l'introduction. Mais comment est-ce qu'on peut décrire concrètement l'islamophobie et ce qu'est l'islamophobe aussi? Et quelles sont ses origines, ses manifestations et ses conséquences? C'est très académique finalement mes questions, mais j'espère que je vais pouvoir y répondre. Qu'elles soient académiques, c'est pas un problème, moi c'est le côté large qui est un peu difficile. Alors, origine... Alors les origines, j'en parlais tout à l'heure, 1910, mais ça c'est vraiment l'origine du mot. Faites attention parce que l'origine du mot, ça ne veut pas dire que c'est l'origine du phénomène. La question de l'islamophobie, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est la question du racisme anti-musulman. On peut très bien faire remonter ça à bien plus longtemps, la question de la construction d'un autre musulman. Donc évidemment, on peut faire remonter ça au Moyen-Âge ou après. On peut évidemment rappeler les travaux d'Edouard Saïd sur l'orientalisme, qui parle beaucoup de la vision de l'Orient, mais dans cet Orient, il y a énormément l'image du musulman et de la musulmane, qui sont très très forts. Donc on ne parlait pas encore d'islamophobie, Edouard Saïd n'en parle qu'une fois dans ses travaux, très très rapidement d'ailleurs, mais il traite quand même évidemment de l'image de l'islam et des représentations des musulmans entre l'Orient et l'Occident, par l'Occident en l'occurrence. Donc ça c'est pour les origines du mot dont je vous disais, 1910, contexte colonial français, c'est un mot français. Ce qu'il faut savoir c'est qu'ensuite il va plus ou moins disparaître, on voit réapparaître le mot de temps en temps mais c'est vraiment pas extrêmement utilisé. Et le mot réapparaît beaucoup plus en anglais et il va plutôt se diffuser en anglais à la fin des années 90, d'abord en Grande-Bretagne, puis après 2001 évidemment les attentats du 11 septembre. Et là on va avoir toute une réflexion sur la manière dont le racisme anti-arabe, anti-africain, anti-asiatique pour ce qui est du contexte britannique comment on va glisser d'un racisme axé sur la couleur de peau ou l'origine vers un racisme qui va plutôt s'appuyer sur le marqueur religieux. Alors c'est pas très nouveau, hein, évidemment, d'avoir une essentialisation, une manière de créer un groupe qu'on va stigmatiser à partir d'un marqueur. Le marqueur est toujours arbitraire, hein, y compris la couleur de la peau. Et donc, le religieux, voilà, devient un peu le marqueur le plus prégnant aujourd'hui, bien qu'il se mêle quand même à la question du racisme anti-arabe. Hein. C'est pas parce qu'on a aujourd'hui un racisme anti-musulman qu'on n'a plus de racisme anti-arabe, qu'on n'a plus de racisme anti-noir. Les deux peuvent se mêler, mais ils peuvent aussi être distingués. Et c'est un peu tous les... La tentative des travaux, c'est de montrer comment aujourd'hui on passe d'un espèce de racisme culturel anti-arabe, notamment en France, à un racisme vraiment axé sur un rejet de l'islam. Un rejet de l'islam qui est d'autant plus difficile à opposer, hein, à contrer, puisqu'il y a deux choses. Hein. D'abord, le refus du mot. Il y a pendant très longtemps en France un front, hein, très fort médiatique, d'intellectuels réactionnaires, on va dire, ou même d'intellectuels de gauche d'ailleurs, qui vont résister très longtemps à l'usage du mot islamophobie, qui vont dire que ça a été inventé par les mollahs iraniens, ce qui est totalement faux. Qui vont dire que c'est utilisé par les extrémistes musulmans pour empêcher toute critique de la religion. Donc voilà, il va y avoir toute une disqualification du terme islamophobie, donc du phénomène lui-même. Et là, on voit bien l'enjeu, c'est-à-dire que le but, c'est de pouvoir diffuser des discours racistes sous couvert de ce qu'on appelle du racisme respectable, c'est-à-dire, voilà, sous couvert de dire « mais moi, j'aime pas toutes les religions, donc l'islam, je rejette, mais j'ai rien contre les musulmans ». Sauf que le glissement, évidemment, entre des discours anti-musulmans très forts, religieux, et le glissement vers un racisme réel qui va toucher des personnes et les stigmatiser, évidemment, est assez important. Ce qui est important aussi de retenir, c'est que l'islamophobie, c'est une idéologie. Hein, ça veut dire qu'on a tout un tas de courants politiques, et là on voit qu'ils sont vraiment en force, mais qu'en plus ça part de l'extrême droite jusqu'à la gauche et tout le spectre politique français. Donc on a toute une dimension idéologique à cette menace islamique, à l'idée qu'il y a trop de musulmans en France qui veulent imposer leurs valeurs, leur culture, leur religion. Enfin, il y a vraiment une idéologie de l'envahissement, etc. Et c'est très important dans le racisme. On a toujours une dimension idéologique à la construction du racisme. Deuxièmement, on a l'islamophobie, c'est donc des préjugés, de la stigmatisation, ce que je viens de dire. Ça, c'est un peu l'aspect qui est, bon, pas forcément le plus facile, mais qui est le plus évident pour tout le monde quand on parle de racisme. Mais il y a aussi le racisme en acte. C'est-à-dire qu'on a des discriminations, je vous disais, légales, mais il y a surtout des discriminations structurelles contre les musulmans aujourd'hui en tant que musulmans, qui sont très fortes et viennent s'ajouter à tout un tas de travaux qu'on a sur les discriminations structurelles à l'encontre des immigrants postcoloniaux, justement, noirs, arabes, etc. Donc cette question des actes islamophobes est très importante. Sur le terrain, c'est quelque chose qu'on voit. Et évidemment, on le voit dans une forme de continuité, de progression depuis un petit moment déjà, puisqu'on a des tentatives de statistiques en France pour mesurer le phénomène. Et surtout, on l'a vu exploser en 2015, exploser après les tueries à Charlie Hebdo. Et là, à nouveau, évidemment, après les attentats, c'est la première réaction. C'est vraiment, et on a eu ça après le 11 septembre d'ailleurs aux États-Unis, hein, la première réaction, c'est des attaques contre des lieux identifiés comme musulmans, sachant que les lieux identifiés comme musulmans, ça peut être des mosquées, évidemment, des lieux de culte, mais ça peut être des kebabs. Alors ça, c'est... voilà, il y a beaucoup de kebabs qui sont attaqués. C'est bras menton, mais voilà. Et c'est de l'islamophobie, puisqu'on s'y attaque parce que le kebab serait musulman. Voilà. Mais évidemment, c'est une boutade, mais il y a aussi des attaques contre les personnes qui sont très très fortes. Moi, dans les milieux militants que je vous disais que je fréquente, il y a énormément, on le sent, on l'entend, il y a des témoignages dans la communauté musulmane très importants, notamment de femmes qui portent le foulard, mais aussi d'hommes identifiés comme musulmans religieux, qui vont être énormément insultés, regardés de travers, parfois jusqu'à l'acte d'agression physique. On en a de plus en plus. Donc voilà, c'est des phénomènes qui sont quand même très inquiétants et très forts, et qui vraiment sont en constante progression, et qui en plus sont alimentés évidemment par le haut et par des discours politiques tout à fait dangereux, qui n'arrêtent pas de dire « il ne faut pas faire d'amalgame », mais qui, de l'autre côté, nous expliquent qu'on va enlever la double nationalité aux personnes qui commettraient des actes terroristes. Donc je ne vois pas le rapport, pour être honnête. Je ne vois pas non plus d'ailleurs comment ça va leur faire peur, mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, cette question de la double loyauté, de la double allégeance, du fait qu'on pense toujours les musulmans comme des étrangers, des gens qui auraient une autre nationalité, donc c'est déjà assez intéressant, puisqu'on est toujours là, en tout cas de ce qu'on voit dans des phénomènes de deuxième, troisième génération, voire des convertis français, toujours. Donc on voit déjà ça. Donc des actes très importants, une peur qui se diffuse au sein de la communauté musulmane. Moi, je crois que ça, c'est très important à identifier, parce qu'on parle tout le temps, avec l'extrême droite en France, de la peur des Français qui voient arriver en bas de chez eux des pratiques culturelles, religieuses différentes. On ne parle jamais de la peur des Français musulmans, qui sont des Français comme les autres. Il y a aussi des musulmans étrangers, mais il y a quand même énormément de musulmans qui sont de nationalité française et qui sont... Voilà, qui eux vivent dans une forme de peur pour certains d'entre eux dans des périodes comme celle-là où ils sentent tout de suite qu'ils vont être montrés du doigt, qu'ils doivent se prononcer, qu'ils doivent se justifier, et voilà, c'est vraiment des mécanismes qui sont très très violents. Donc voilà, alors il y a d'autres, l'islamophobie ça a aussi une dimension internationale, hein, je disais, voilà, au niveau comment on l'explique, mais évidemment la dimension internationale et globale de l'islamophobie est extrêmement intéressante, puisqu'elle lie cette question des personnes à l'intérieur, d'une espèce de la construction d'un ennemi intérieur ou d'une menace, avec celle de la menace de l'ennemi extérieur. Et ça, dans les questions du racisme, c'est souvent très très présent, cette espèce de lien, d'imbrication entre des questions internationales et la manière dont elles sont importées et répercutées sur les territoires nationaux. Et avec la question musulmane, c'est très fort, hein, je veux dire, vous regardez tout simplement dans les médias comment on décrivait ce qu'était le hijab dans les années 80 en France, tout le monde parlait de tchador, ici aussi d'ailleurs. On veut parler de niqab, on va parler de burqa, parce qu'il se trouve qu'il y a la guerre en Afghanistan. Donc on voit tout de suite dans la terminologie, on voit très bien comment des questions internationales sont extrêmement prégnantes dans l'imaginaire et la manière de traiter les nationaux, sur le territoire. Et évidemment, la question internationale, c'est qu'évidemment, tout ça justifie des guerres, hein, et évidemment, la question de la guerre d'Irak et de l'exemple américain du choc des civilisations, de la croisade américaine en Irak en 2003 est quand même, dans les discours, un exemple type extrêmement intéressant de la manière dont on a construit cet ennemi extérieur musulman, voilà, et qu'on a lié ça à des questions intérieures. C'était un peu longue. C'était là. Moi, j'ai pas de problème à parler d'islamophobie comme une forme de racisme, dans la mesure où, surtout à la lumière du libellé de la Convention de l'ONU contre le génocide. Le génocide identifie très clairement quelles sont les victimes qui se qualifient au regard de la résolution de le génocide. C'est tout groupe clairement identifiable, que ce soit par la religion, par la race, par la langue, par la culture, par la vie, etc. Quand il y a un groupe qui est identifié clairement et contre lequel s'exerce une oppression, une répression, voire une liquidation, on parle de génocide. Et selon ces critères, moi je dis que l'islamophobie, comme elle cible un groupe particulier, mais qui ici est identifié sur la base de la religion, je dis que c'est une forme de racisme. Alors je n'ai pas de problème sémantique avec le concept, bien que je sais qu'il y a des gens qui vont se couper les cheveux en quatre, au lieu de reconnaître la réalité factuelle, objective, qu'il y a effectivement là une forme de racisme à laquelle on fait face. Cela dit, comme j'ai évoqué tout à l'heure les croisades, c'est sûr que les racines de l'islamophobie remontent à cette période où, avec le déclin de l'Empire romain, coïncide l'expansion de l'islam. Et au IVe siècle, Constantin avait adopté la chrétienté comme religion de l'Empire. Mais dès le VIIe siècle, il y a des grandes contrées de l'Empire romain qui vont s'islamiser. En Anatolie, en Syrie, en Afrique du Nord. Ensuite, nous avons une conquête de l'Espagne par des musulmans venus d'Afrique du Nord. Et ils vont là fonder un pouvoir islamique qui va durer 7 siècles dans l'Andalousie, et qui est une période de l'histoire espagnole qui s'illustre vraiment par son cosmopolitisme, son amour du savoir, qui a attiré des savants, des poètes, des philosophes du monde entier, de l'époque, et qui a été le moyen de transmission d'une bonne partie de la connaissance de la Grèce et de Rome antique vers l'Europe qui à cette époque était encore en plein Moyen-Âge. Et l'Europe se libère, se réveille dans la foulée de la Reconquista espagnole sous Ferdinand et Isabelle qui vont chasser les musulmans d'Espagne au XVe siècle. À la même époque, en fait la même année où Christophe Colomb met les voiles sur les Amériques. Et à ce moment, le pôle du monde musulman se déplace à Istanbul, Constantinople. Et c'est à partir de ce moment que les Turcs prennent la direction des choses. Alors, l'Europe moderne et l'Europe de la Renaissance, d'une part, a une dette énorme envers la civilisation musulmane en Espagne, qui a été transmetteuse de grandes connaissances qui ont permis à l'Europe de réaliser la Renaissance. Mais d'autre part, l'Europe moderne s'est bâtie sur cette opposition au monde musulman. C'est ça qu'il faudrait, je pense, souligner, cette contradiction, si vous voulez, dans les faits. Mais à côté de l'islamophobie, existaient d'autres phobies. Quand l'Europe de la Renaissance commence à déferler à travers le monde avec les découvertes, les colonisations, nous avons également la négrophobie, l'asianophobie, la phobie des peuples jaunes, des peuples noirs, tout cela va de pair. Disons que durant toute cette période, les musulmans ne sont pas singularisés comme ils vont l'être après la révolution islamique en Iran en 1979. Je pense que c'est ce réveil de l'islam chiite qui réussit à renverser et à chasser du pouvoir un allié clé de l'Empire, nommément le Shah d'Iran, qui était le policier de toute la région du Golfe et du Proche-Orient. Et je pense que c'est à partir de là que l'Occident commence à s'intéresser de plus près au phénomène de l'islam. Nous sommes encore en pleine guerre froide. La guerre froide va durer encore 10 ans. Mais c'est dès ce moment-là que l'OTAN, les États-Unis, les Français aussi, les Européens, le Canada, vont instrumentaliser l'islam sunnite en Afghanistan, contre l'occupation soviétique. C'est quand même très intéressant comme phénomène, au moment où l'Occident découvre la réalité de l'islam. Moi, je me souviens très bien, j'étais journaliste à la presse, même mes collègues dans la salle de rédaction, pour la première fois, entendaient des mots comme Ayatollah, Mollah, ils ne savaient pas ce que c'était. J'ai même une collègue qui avait écrit un article qui parlait de Khomeini en l'appelant Monsieur l'Ayatollah, L-A-Y-A-T-O-2-L-H, comme si c'était son nom de famille. Ça a l'air anecdotique, mais je pense que ça reflète en même temps la grande ignorance des personnes qui étaient censées informer l'opinion publique. Et en même temps, donc, on décide de lancer les Moudjahidines à l'époque, ce n'étaient pas encore les talibans, c'était les ancêtres des talibans, qui sont formés au Pakistan, des enfants recrutés dans les camps de réfugiés, passés par les madrassas, les écoles coraniques pakistanaises, aux bons soins des mollahs formés en Arabie Saoudite à l'école des Wahhabis, entraînés au maniement des armes et armés par des conseillers de la CIA avec la collaboration de l'armée pakistanaise. Et ce sont ces gens-là, financés par les pétro-émirats du Golfe, ce sont ces gens-là qui ont vaincu l'Union soviétique et l'Empire soviétique. Or, après la fin de la guerre froide, l'Occident a prétendu que tout ce monde-là n'existait pas. C'est l'Occident qui avait remporté la guerre froide. Et à partir de ce moment, d'ailleurs, commencent à se dessiner des projets pour diviser les musulmans, notamment provoquer des guerres entre chiites et sunnites. Durant la même période, d'ailleurs, au Pakistan, ont commencé des massacres terribles des chiites par les sunnites, au point où la population chiite pakistanaise a même dû former des milices pour sa propre protection. Et quand on connaît différents plans sionistes pour semer la division parmi les musulmans au Moyen-Orient, que ce soit entre arabes, mais aussi entre sunnites et chiites, on n'est pas étonné qu'il y ait des liens entre ce calcul stratégique et la pensée, entre guillemets, sioniste de l'époque. D'ailleurs, il faut dire qu'une bonne partie des gens qui ont élaboré ces stratégies étaient à Washington, mais travaillaient à la fois pour Israël et pour l'Empire. Tous les néocons qu'on connaît, là, Cheney, Rumsfeld, etc., ils ont tous, avant de pondre leur fameux Project for a New American Century, qui était vraiment le projet qui était la feuille de route de George W. Bush pour conquérir le monde. Mais avant de pondre ce projet, ils avaient pondu un projet pour Netanyahou. Je pense qu'il s'appelait A Blueprint for the Safeguard of the Realm. Si vous cherchez ça sur Google, vous allez trouver tout le texte même du projet. Netanyahou venait d'être élu Premier ministre, je pense que c'était son premier passage au pouvoir. Et dans ce projet, nous parlons de 96-97, à l'époque de Bill Clinton, il était très clairement écrit que Netanyahou doit tourner le dos au processus d'Oslo et aux accords d'Oslo. Et il doit chercher à isoler les Palestiniens en attaquant l'Irak et la Syrie. Et quand les néocons arrivent au pouvoir et que le général Wesley Clark se fait dire au Pentagone qu'on a un projet pour occuper, envahir, attaquer, envahir et occuper 5 pays musulmans du Moyen-Orient, on voit le lien dans toute cette pensée néoconservatrice. Et c'est alors que, comme écrivait Michel Warshawski dans un article après les attentats de Paris, que j'ai lu avant-hier, il disait au début, l'ennemi était le terrorisme international. Pendant les années Reagan, c'est à cette époque que la guerre contre le terrorisme a fait irruption à l'avant-plan des préoccupations états-uniennes. Il y a une dame qui s'appelle Claire Sterling qui a écrit un livre sur la menace terroriste, le terrorisme international, et ce livre est devenu le vade-mecum de Ronald Reagan, qui, dit-on, lisait très peu, mais enfin, il s'en inspirait. Et de terrorisme international, dans les années 90, On est passé au terrorisme islamiste. Le terrorisme n'était plus international tout court, il était plus précisément islamiste ciblé. Et de là, on est passé carrément à la guerre contre l'islam, comme menace civilisationnelle contre l'identité occidentale et les valeurs occidentales. Alors voilà comment le glissement se produit, et donc l'islamophobie, il me semble, a encore de beaux jours devant elle. Alors, merci beaucoup. On va ouvrir la table. Je sais qu'il y a des gens, j'ai vu certaines personnes qui avaient peut-être des questions ou des commentaires à faire. On va prendre 3 interventions, puis après on va essayer de laisser les invités répondre. Donc, qui veut se lancer? C'est toujours la première personne, c'est difficile à trouver. Bon. Oui. Ah. Dans le micro, oui, parce que j'enregistre. En fait, c'est. Ça marche. Ouais, c'est pour le micro là, c'est pour l'enregistrement. Ok, merci. Je me demandais juste en fait, au niveau de la loi qui a été appliquée, l'espèce d'état d'urgence, qu'on peut avoir des commentaires là-dessus. Puis aussi, Ida a parlé de structurel. Vous disiez qu'il y a des impacts structurels, mais qu'est-ce que ça veut dire? On a 3 questions. Est-ce que quelqu'un d'autre? Vu les récents résultats en ce qui concerne les élections présidentielles en France, est-ce que les actes terroristes qui ont été faits en France, ça fait en sorte que les FN aient plus de voix que d'autres partis, étant donné qu'ils sont radicaux sur le fait d'enlever ou bien de détruire l'extrémisme. On avait 3. Mais moi j'avais compté 3. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question ou plusieurs questions? Ma question c'est pour monsieur Tournil. Vous avez dit tantôt que suite à la chute de l'Empire ottoman, il n'y avait plus de volonté de la part des musulmans dans le monde de chercher une espèce d'autorité, un khalifa. Et j'aimerais que vous développiez sur ce point, car il est très crucial si on veut comprendre la politique actuelle. Car qu'est-ce que Daesh, ils disent? Ils disent on est le retour du khalifa, donc tous les musulmans doivent prêter allégeance. Et moi, je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup séduit les jeunes. C'est une espèce d'une nostalgie d'avoir un État et un califat islamique. Donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, et plus précisément par rapport à ce qui s'est passé en Égypte dans les années 30 et 40, où est-ce qu'on avait un soulèvement populaire anticolonial contre l'occupation britannique, où on a vu la naissance des frères musulmans et de Hassan al-Banna, quand il avait vraiment un combat anticolonial, mais en même temps il avait une volonté d'imposer un certain retour au califat, car suite à l'empire de l'empire ottoman, sa chute, c'est-à-dire les musulmans tout de suite se sont réunis pour essayer vraiment de comprendre les causes et de rétablir justement cette autorité, car aujourd'hui 90 ans que les musulmans vivent sans califat, et c'est la première fois dans l'histoire de l'islam que les musulmans sont orphelins, qui n'ont pas de clergé, si je peux dire ça. Donc j'aimerais que vous développiez un peu plus sur ce point-là. Merci. Merci. Alors merci pour la question sur l'état d'urgence. Je pense que c'est très important d'en parler, c'est peut-être le plus essentiel aujourd'hui, puisque l'enjeu, ça va être qu'est-ce qui se passe après et comment on gère. Comment l'État va gérer et surtout comment les citoyens vont résister ou pas à ces mesures d'exception. Donc l'état d'urgence, c'est décrété par l'État et normalement pour quelques jours dans un moment extrêmement exceptionnel. Donc on y a eu droit pendant la guerre d'Algérie, justement, on y a eu droit après les révoltes de 2005 et on y a droit à nouveau là. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a décrété l'état d'urgence et ensuite il a été prolongé, et ça c'était vraiment très encore plus exceptionnel, pour l'instant jusque février 2016, mais il y a un projet aussi de mettre une possibilité de prolonger l'état d'urgence plus longtemps. L'état d'urgence, donc, c'est des mesures exceptionnelles, des mesures policières, de surveillance, judiciaires exceptionnelles. Ça veut dire pour l'instant sur le terrain, 2500 perquisitions, les perquisitions sans autorisation du juge. Ça veut dire que les policiers rentrent chez une personne, fouillent tout, sans mandat. Donc ça, c'est déjà... voilà. Donc, en quoi ? Deux semaines, trois semaines, on a 2500 perquisitions, sachant que énormément de perquisitions, de témoignages sur des perquisitions complètement abusives sont remontés déjà. Donc, vraiment des histoires à dormir debout, pour vous dire la vérité, notamment une personne aveugle qu'on a mis par terre et qu'on a fouillé toute la maison, à qui on demande aujourd'hui d'aller trois fois par jour pointer au commissariat, des personnes qui étaient handicapées, un réfugié palestinien de Syrie qui est là depuis 10 ans, et ils sont juste rentrés dans sa maison, ils ont juste tout fouillé, ils sont repartis, ils ne faisaient rien, un homme qui travaille pour une association musulmane pour la réinsertion en prison des détenus qui, pareil, est perquisitionné, et en même temps que les perquisitions ou parallèlement, ça dépend, on a aussi ce qu'on appelle des assignations à résidence, hein, qui est là aussi une possibilité juridique, hein, de mettre des gens qui justement viennent pointer au commissariat, peuvent pas circuler énormément, restent un peu chez eux coincés. Et là, dans les assignations à résidence, on en a là aussi plus de 300, dont, faites attention, et c'est là que c'est intéressant, c'est évidemment beaucoup de profilage racial à l'encontre des musulmans et de toute personne qui aurait une activité musulmane, enfin, en lien avec l'islam, ou, j'en sais rien, de près ou de loin, identifié comme, donc c'est vrai que c'est très, très problématique. Mais dans les assignations en résidence, on a eu beaucoup de militants écologistes, par exemple, dernièrement, puisqu'on a la COP 21 en même temps. Donc ce qu'il faut savoir dans ces questions d'état d'urgence, c'est que ça va toucher... les communautés visées voilà, par profilage sur la question du terrorisme, mais par extension, ça visera aussi des contrôles policiers beaucoup plus fréquents. Donc faites attention, pas vous, mais faites très attention à la question des sans-papiers, parce qu'évidemment, puisque le profilage racial des arrestations policières vise des musulmans, des noirs, donc voilà, les sans-papiers, les populations de sans-papiers. Notamment, pour vous donner un exemple qui est extrêmement triste, l'immeuble à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, qui a été où se cachait un des complices des tueurs de novembre, a été donc pendant 7 heures, pardon, il y a eu un assaut contre un immeuble vraiment vétuste de la banlieue parisienne. Et donc cet immeuble, il y avait un appartement où il y avait 2-3 personnes qui ont été tuées, qui étaient, semble-t-il, liées aux assaillants. Mais à côté de ça, l'immeuble entier a été vidé, détruit. C'est un immeuble très très pauvre et les gens en question se sont retrouvés dans un gymnase pendant très longtemps, pas relogés. Personne ne s'en est occupé. C'est des familles très pauvres, souvent des immigrants, souvent des gens très pauvres. Et par ailleurs, une des personnes qui a été à ce moment-là contrôlée a maintenant un ordre d'exclusion du territoire français. Donc voilà, les dommages collatéraux massifs quand même sur cette question de l'état d'urgence. Et bien sûr, les rassemblements interdits, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il y a aussi énormément des arrestations qui sont faites s'il y a une manif. Il y a une manif pour les réfugiés, pour l'ouverture des frontières qui a été... qui devait être prévu peu de temps après les attentats, qui a eu lieu, ils ont arrêté tout le monde, ça a été vraiment compliqué. La COP 21, là, c'est vraiment la totale. Donc voilà, une interdiction de rassemblement jusqu'à février 2016, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en France, c'est juste tuer toute notre culture politique, quoi. Nous, on se rassemble tous les 3 jours pour manifester contre quelque chose, et en général, on peut être assez nombreux. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment un problème, parce qu'il y a aussi des luttes en ce moment, syndicales, contre l'austérité, comme partout... Donc évidemment, tout ça est bloqué. Donc je pense que le risque sur les libertés publiques, les risques sur les droits, tout simplement, juste les droits, l'état de droit, sont extrêmement importants. Et là, il y a une espèce de grosse résistance qui tente de se mettre en place par des associations, des collectifs, des syndicats, etc., qui essayent de résister très fortement. Sauf que le milieu politique et, semble-t-il, l'opinion publique sont très très favorables à l'état d'urgence. Il faut savoir que ça a été voté à l'Assemblée avec que des pour et 6 contre. 6 députés qui étaient contre, d'accord, dont 2 socialistes, 2 verts, 2 je ne sais plus. Donc voilà, c'est vraiment assez effrayant. Je crois que 0 communiste, par exemple, si c'est juste pour l'anecdote. Alors, ce qui est de la discrimination structurelle, juste rapidement, c'est le terme qu'on utilise pour parler de discrimination systémique ou structurelle. Dans la discrimination, on a la discrimination directe. Ça veut dire que vous n'allez pas embaucher quelqu'un à une job parce qu'il est noir. Donc ça, c'est direct. Et systémique, c'est qu'est-ce qui explique que les noirs, en général, ont des positions inférieures dans le monde du travail, par exemple. C'est qu'il y a des discriminations généralisées qui vont du logement, de l'école, à la formation, ensuite à trouver du travail, et qui expliquent que des populations entières, ça a été très bien étudié aux États-Unis notamment, que des populations entières, en raison de leurs origines sociales et raciales en général, se retrouvent discriminées de manière institutionnelle, globale, sans pouvoir identifier forcément la discrimination individuelle et directe qui a pu les atteindre. Voilà. Ils ne peuvent pas savoir à quel moment de tout leur parcours ils se retrouvent dans ce groupe qui souffre d'inégalités sociales en général dans sa position dans la société. Alors peut-être pour les élections régionales, je ne sais pas quoi vous dire parce qu'il y a énormément d'analyses là-dessus. Évidemment que tout le monde dit plus c'est tendu, plus il y a un climat sécuritaire, plus il y a un climat policier, plus évidemment le Front National peut en profiter. Mais la progression du Front National est quand même une continuité en France depuis très longtemps. Donc là, ça fait quand même un bon moment que tout le monde parle de 2017, donc les futures élections présidentielles, et d'une tout à fait une grande possibilité d'avoir le Front National au deuxième tour. Donc oui, probablement un certain effet, mais en même temps, une espèce de lame de fond, une continuité quand même sur cette progression du Front National, dont sont énormément responsables les échecs politiques, la crise économique, etc. Donc c'est sûr que... Voilà, c'est des réponses très très complexes, mais il y a énormément d'analyses et de travaux là-dessus. Je pourrais peut-être vous référer à ça. Je te laisse répondre à l'autre question. Oui, sur la question du califat. Le califat, c'est le calife lui-même. Le califat, c'est l'institution du calife, qu'on appelle le khilaf, et non pas le califat. Les pièges de la langue arabe. Le califat, aujourd'hui, je dois dire, d'ailleurs, depuis la fin de l'Empire ottoman, et comme vous dites, un siècle après, reste d'abord et avant tout une idée de nostalgie. Mais il n'y a pas de volonté actuelle des populations musulmanes et des pays musulmans de rétablir un califat. Les pays musulmans, qui sont, je pense, une cinquantaine de pays au monde, ils ont une organisation de la conférence islamique qui d'ailleurs marche sous la houlette de la Saoudie. Et du pouvoir wahhabi, ce qui veut dire marche la main dans la main avec l'Empire. L'organisation de la conférence islamique n'a jamais évoqué l'idée, la possibilité d'un califat. Et c'est vrai que c'est un peu ce que propose Daesh, mais Daesh n'est pas le seul à y avoir pensé. Avant Daesh, les orientalistes, les stratèges britanniques de l'époque coloniale y pensaient déjà, à l'époque où ils ont d'ailleurs forgé les premiers liens avec l'Arabie Saoudite, avec le wahhabisme. Sans l'aide des Britanniques, la famille Saoud n'aurait jamais pris le pouvoir à Riyad. Ensuite, les Britanniques ont passé la main aux Américains, qui eux aussi ont eu le loisir d'étudier cela. Je pensais de ça à tout à l'heure quand on parlait d'islamophobie. Islamophobie, je veux bien, mais jamais d'islamophobie contre les Saoudiens, jamais d'islamophobie contre le Qatar, contre les Émirats Arabes Unis, parce que, hein, comme disait un président américain, they are sons of bitches, but they are our sons of bitches. C'est un peu ça la réflexion stratégique profonde, mise en mots dans les cercles truculents du pouvoir occidental, de l'Empire. Alors, les Saoudiens ont une main très importante dans l'émergence de Daesh, l'armement, le financement. Et bien sûr, avec, sous l'œil bienveillant de l'oncle Sam et des Occidentaux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce phénomène de Daesh, que je considère comme le plus islamophobe des organisations aujourd'hui dans le monde, a mis en compétition, en rivalité même féroce, la Turquie de M. Erdogan et l'Arabie Saoudite de M. qui est le dernier roi parce qu'il meurt à une telle vitesse, je ne sais plus qui est maintenant au pouvoir, je pense que c'est Salman. Là, il y a une lutte, une rivalité entre la Turquie et l'Arabie Saoudite pour prendre le contrôle de Daesh. Et tout le soutien que la Turquie a apporté à Daesh, que la Russie a fini par dévoiler au grand jour, avec des photos satellites à l'appui, avec des comptes bancaires chiffrés. On voit très bien là qu'il y a une lutte, et c'est surtout pour s'opposer à l'Iran. L'Iran a beau être islamique, république, mais elle est républicaine. Elle n'est pas monarchiste. Elle est républicaine et elle est anti-impérialiste. Et c'est ça que nos amis saoudiens, y compris nos amis, nos voisins états-uniens et nos amis européens, ne peuvent pas accepter. La pérennité de la révolution islamique en Iran. Mais les Russes manœuvrent très bien. Je pense qu'ils ont très bien attendu, ils ont jugé le moment d'intervenir. Pendant 25 ans, ils ont assisté, impuissants comme nous tous et nous toutes, à la frénésie guerrière de l'OTAN à travers le monde, sans bouger le petit doigt. Les Russes, qui pourtant étaient proches des Serbes, n'ont pas bronché quand l'OTAN a dépecé, si j'ose dire, a balkanisé les Balkans, a rebalkanisé les Balkans. Mais les Russes ont attendu, et puis sur ce moment. Un mot sur votre question à propos du Front National, etc. Moi, ce que je trouve affligeant, et je ne peux pas le cacher, et amusant en même temps, dans la situation de la France, c'est que tous les partis veulent être plus FN que le FN. Ils ont adopté le discours, les slogans, la xénophobie, l'islamophobie, dans l'espoir que ça allait leur gagner des votes. Et on voit que ça ne marche pas comme ça, puisque le Front National continue à se maintenir en tête. Mais quand même, ce n'est pas une percée vertigineuse. Le Front National reste en dessous des 30%. Mais que ce soit Sarkozy ou Hollande, qui font finalement la même politique et qui prêchent le même sermon et qui appellent au même patriotisme, guerrier, hein, appelle les Français à se serrer les coudes, on est menacé. Et au nom de cela, que se passe-t-il? On nous dit, il va falloir sacrifier un peu de nos libertés pour défendre notre sécurité. On nous a mis dans une position là où il faut vraiment choisir entre sécurité et liberté. Et tous les pays occidentaux sont balayés par ce courant. Nous, au Canada, on a eu la loi C-51 avec Harper, que Trudeau, d'ailleurs, tarde beaucoup à modifier, à amender. Il a dit qu'il le ferait, mais on attend. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a plus besoin du micro, donc parce que la caméra est partie. C'est mieux? Vous préférez avec la caméra? D'accord. Elle a pas la caméra, mais le micro. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions alors? Là, ah oui. Ça va peut-être paraître un peu flou, mais c'est assez théorique comme question. En gros, j'aimerais demander si je comprendrais que l'un est né de l'autre, mais est-ce qu'on peut dissocier la lutte contre l'islamophobie de celle contre le racisme en France? Parce que vous avez parlé de racisme culturel, et peut-être expliquer un peu plus ce que vous vouliez dire. Et en gros, c'est si on essaye de penser à comment aller de l'avant, surtout en ce moment en France. Si on peut vraiment faire des marches contre l'islamophobie et tout, sans vraiment parler d'un racisme systématique dont on ne parle jamais en France. Et aussi, c'est un peu une question, je n'ai pas envie de dévier les regards, mais je pose cette question du point de vue de quelqu'un qui a de la famille convertie à l'islam et qui, depuis le 13 novembre, subit des actes islamophobes. Et c'est un peu comment est-ce qu'on peut en parler, comment on peut les contrer, comment on peut s'en défendre. Si on peut pas vraiment utiliser le mot racisme dans cette situation-là, et aussi parce que ma famille est frontalière, donc subit l'état d'urgence, et c'est des actes de violence symbolique en fait. Et je voulais savoir si on peut appliquer le mot racisme, parce que c'est un peu difficile comme situation, et comment on peut juste avancer et trouver des solutions. D'autres questions? My question, I'm going to say it in English, but I guess I'm from Tadam, and one of the, I think one of the things that many people are sort of struggling with, and after November 13th, it seemed that, and even prior, that, 13 years ago, understanding the Middle East was very simple. Was a very, and what solidarity meant was a very simple task. You know, it was support the resistance, the liberation of Palestine, stop the invasion of Iraq, and now after 2010, 2011, the situation has become so complex in regards to trying to both understand that there are core elements of all of those revolutionary struggles that have been taking place since 2010, but the way it's turned into, the sort of the sectarian turn, the reactionary turn, the also in regards to the fact that those demands, whether it be for bread, freedom, social justice, have been completely drowned out. And many people have been, in despair and depressed about the prospects of change, real social change in the region. And also in the fact that it's unclear there is a continuity and a clarity from the New American Project and sort of what's been taking place since 2001, but also there's a discontinuity. The fact that now, if anything happens in the world, any power just bombs Syria. It seems like it's anybody can do it now. Anybody that the entire world now is playing, or that particular powers now are really slicing up Syria. So what does that actually mean for a left alternative in regards to Syria and the region as a whole? And to articulate that, I think it's one of the most difficult challenges we have now as a movement. And just your thoughts, or anybody's thoughts, actually. Est-ce que je dois traduire en français, ou vous avez compris? Là, je vais la traduire quand même. En fait, la question très large, c'est puisque le contexte dans lequel on est dans cette région est très complexe et ça s'est complexifié depuis ces dernières années. Quelles sont les alternatives, les solutions qu'on peut apporter, aussi quelle position prendre en tant que justement un mouvement qui se veut solidaire avec les luttes populaires dans cette région. Donc, dernière intervention. Oui, moi j'ai une question. Le discours d'Obama, qu'est-ce que vous en pensez de ce discours-là? Est-ce qu'il n'y a, pas dit grand-chose, d'après moi? Vous avez répondu à la question. Alors, je réponds dans deux premières questions. Alors, juste, je pense que je n'ai pas été claire. L'islamophobie, c'est un racisme comme un autre, j'ai envie de dire. En fait, en gros, il y a une catégorie qui s'appelle le racisme, où il y a des processus, des mécanismes, et là-dedans, vous avez l'antisémitisme historique, vous avez là-dedans la négrophobie, l'islamophobie, le racisme entier. Il prend toutes les formes et les couleurs, malheureusement, de sa période historique et de l'espace dans lequel il se développe. Mais les mécanismes que j'ai décrits, l'idéologie, les préjugés, les discriminations en acte, les attaques, elles sont les mêmes. Donc l'islamophobie, c'est un racisme. La raison pour laquelle on l'identifie spécifiquement, c'est que justement, il a du mal à être reconnu comme un racisme. Il y a eu à un moment donné une tentative de parler plutôt de racisme anti-musulman que d'islamophobie. Moi, personnellement, ça m'est complètement égal de savoir comment on le nomme. Il se trouve que les militants, que ce soit en Grande-Bretagne et aujourd'hui en France, mais même ailleurs, ont décidé, et ensuite le milieu scientifique a suivi assez vite, d'utiliser le terme islamophobie, et on le garde. Voilà, il est imparfait, et tout ce que vous voulez, il crée cette espèce d'ambiguïté puisque tout le monde s'y attaque. Mais moi, je trouve qu'il a aussi des avantages. Pour moi, là, c'est clair et net que ce dont vous parlez, c'est du racisme. Quand on est injurié, maltraité en raison d'un marqueur, quel qu'il soit, sa couleur de peau, le fait de porter un hijab, une barbe, de parler une langue, etc., c'est un racisme. Et du coup, évidemment, les blancs convertis aujourd'hui à l'islam, s'ils sont visiblement musulmans, souffrent de racisme, d'un racisme islamophobe. Voilà. Donc, il y a pas de... Et d'ailleurs, il y a des enquêtes très intéressantes qui montrent comment justement les femmes voilées converties blanches sont racialisées. C'est-à-dire, clairement, on va leur parler de manière plus distincte en anglais ou en français, selon la langue, alors qu'elles sont britanniques depuis toujours, etc. Donc, pour ce qui est des actes islamophobes et de la manière de s'en défendre, alors en France, je dirais qu'il y a quand même un mouvement qui lutte contre l'islamophobie qui est assez fort depuis 2003, notamment un collectif qui s'appelle le collectif contre l'islamophobie en France. Donc, si votre famille doit se référer à quelqu'un, je lui conseille d'aller voir le CCIF. Donc, c'est un organisme associatif qui, depuis 2003, gère à la fois les plaintes, les médiations et fait remonter les témoignages et les statistiques. Donc, c'est à partir d'eux qu'on a des rapports qui sont beaucoup plus sérieux, on va dire, ou en tout cas plus larges que ceux de la police, puisque la police ne donne que les chiffres des plaintes déposées, alors que le CCIF a aussi des témoignages juste d'une insulte où vous avez décidé de ne pas aller porter plainte, mais vous avez été insulté. Et ça, beaucoup d'organisations antiracistes le font parce qu'évidemment, le racisme ne se limite pas à la plainte déposée à la police, ni à la justice d'ailleurs, puisqu'évidemment, vous imaginez bien que 95% des injures raciales, même des actes, n'arrivent pas jusque-là, d'autant plus quand c'est des populations spécifiquement plus ou moins vulnérables d'ailleurs, qui sont plutôt réticentes à aller jusqu'aux tribunaux. C'est toujours des parcours très longs, très compliqués. Donc au moins faire remonter le témoignage, moi je dirais au CCIF, mais à d'autres associations autour, vous pouvez, moi je trouve que c'est celui qui est le plus visible et qui travaille sérieusement pour l'instant, donc je pense que c'est assez intéressant de faire remonter ça là, et de voir si des actions en justice, si un soutien psychologique est requis, etc., tout ça devrait être normalement possible à travers eux, ce qui est quelque chose que apparemment le milieu ici tente de mettre en place, mais qui n'est pas aussi... le CCIF a aujourd'hui quand même une base qui est assez intéressante de ce point de vue-là. Ensuite, comment s'en défendre? Ça peut aussi être par de l'action politique. Je vous disais que moi, je travaille sur... j'observe et je travaille avec des milieux militants qui se battent contre l'islamophobie. Et là, il y a des groupes politiques qui se mettent en place, des groupes militants, des collectifs, qui luttent contre... par exemple, l'interdiction des mères d'accompagner les sorties scolaires parce qu'elles portent un voile, sur les problèmes qu'il y a à l'école par rapport à toute la gestion du religieux, que ce soit les repas à la cantine. Je sais qu'ici, ça paraît un truc hallucinant, mais il y a un gros problème en France avec les cantines et des repas où on va imposer à des enfants de manger de la viande ou même du porc. Donc voilà, il y a toute ces combats-là dans plusieurs secteurs. Et pour ce qui est au niveau du travail, il y a aussi, comme ici, la commission des droits, il y a le défenseur des droits qui peut s'occuper de ces plaintes-là. Donc voilà, l'islamophobie est un racisme. Je pense que si on sort de là et on est tous d'accord là-dessus, ça sera déjà très bien. Pour ce qui est de la question de Mustapha, moi, Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse et il me semble qu'en France, les milieux militants ont exactement le même problème que partout, hein, de trouver des solidarités sur place dans le monde arabe pour faire plus général, pour pouvoir lutter. Alors ça continue un petit peu avec la cause palestinienne qui en effet continue à être celle où les questions de justice sociale et de solidarité sont les plus claires. Donc un mouvement boycott BDS qui est encore assez fort en France, qui est fort et très attaqué, hein, cela dit. Hein ? Il est interdit maintenant. Voilà, alors il n'est pas interdit, il continue, je vous rassure, mais, qui est, mais s'il est très attaqué en général, c'est qu'il ne fonctionne pas si mal. Hein, donc on va dire qu'il y a quand même eu des victoires. Donc ça, ça continue, il n'y a pas. Voilà, c'est quand même malgré les attaques. Mais c'est vrai que sur la Syrie, c'est très compliqué en France d'articuler ça, c'est très compliqué pour la gauche, je suis assez d'accord. Là, aujourd'hui, je dirais, pour ce qui est de l'espace militant, à nouveau, que je connais, qui travaille sur les questions de racisme et qui, en effet, traite l'action d'islamophobie en même temps qu'une analyse postcoloniale sur les racisés, sur le racisme en général, qui inclut d'ailleurs le racisme anti-rome, hein, qui est souvent mis en avant également dans ces mouvements. Eh bien, dans ces groupes-là, il y a aujourd'hui une tentative, on va dire, d'avoir trois revendications, mais elles sont en débat. Une pour lutter contre le racisme, toujours. Une pour lutter contre l'état d'urgence, donc toutes les dérives dont je vous ai parlé. Et la troisième pour un mouvement anti-guerre. Alors, c'est sur le mouvement anti-guerre que c'est le plus compliqué. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'on demande ? Est-ce qu'on demande qu'on retire les troupes totalement ? Est-ce qu'on demande d'abattre, en effet, l'État islamique, mais pour soutenir qui ? Voilà, on se retrouve exactement avec les mêmes impasses qu'on a dans les mouvements de solidarité aujourd'hui. Donc, je pense que c'est... j'ai pas de réponse à ça, et le milieu militant a les mêmes difficultés qu'ici pour gérer ces questions-là. Mais, cela dit, peut-être que ça peut donner lieu au moins à un mouvement anti-guerre, voilà, type celui qui existe en Grande-Bretagne. C'est peut-être ça l'alternative. Alors, il sera un peu théorique, parce que je sais pas quels seront les alliés sur place, en Irak ou en Syrie, mais voilà, un mouvement anti-guerre pour commencer, quoi, genre... On a une des tueries à Paris, le lendemain, c'est peut-être pas nécessaire de bombarder non plus en Syrie avec tous les civils aussi qui meurent dans ces cas-là. Donc c'est vrai que c'est assez complexe. Je partage entièrement la réponse de Kouda à la question sur l'islamophobie. Quant à la question de Mostafa, je suis entièrement d'accord que la situation se complexifie beaucoup au Proche-Orient, certainement apparaît moins claire qu'elle l'était il y a une dizaine d'années. Mais je dirais que cette complexité est apparente, elle n'est pas réelle. Parce que ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient, et je dirais même en Afrique, parce que l'Africom, n'oubliez pas, se déploie et s'installe sur le continent pour protéger l'accès aux ressources de l'Afrique. Et tous les pays de l'OTAN, y compris le Canada, qui est le géant minier par excellence du monde occidental et de l'Empire. Ces guerres sauvages, ces destructions, ces dévastations des populations, de sociétés entières, de cultures, s'inscrit dans un contexte global de rééquilibrage du monde. Et c'est dans ce contexte qu'il faut vraiment voir, et là, on voit plus clair, et les choses qui paraissent complexes le deviennent moins. La Russie s'est rapprochée nettement de la Chine pendant que l'OTAN dévastait l'Europe et les Balkans, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et ce rapprochement Chine et Russie, qui a débouché sur l'organisation de coopération de Shanghai, qui est également à l'œuvre à l'intérieur du BRICS, c'est-à-dire le groupe Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, maintenant est en train non seulement d'élaborer, mais de mettre en chantier des projets d'un marché commun eurasien. Dans la paix la plus totale. Ce sont des pays qui ne sont pas en guerre, qui ne mènent de guerre contre personne, qui n'envahissent pas, qui ne bombardent pas, ils sont en pleine construction du monde du 21e siècle. Dans la coopération, dans le bon voisinage, dans le respect mutuel, dans un esprit de bénéfice réciproque. Et le mot clé de cette construction qui se fait pendant que nous, ici, on est accablés par la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Le mot clé, c'est les routes de la soie. On commence à parler, là, maintenant, de la relance des routes de la soie. C'est-à-dire qui étaient les grands axes commerciaux eurasiens de l'Antiquité. Les Chinois ont déjà mis en chantier un projet d'un train à grande vitesse qui relierait Pékin à Paris en quelques heures. Et ces pays qui comprennent également l'ASEAN, c'est-à-dire l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique, ils tendent la main à l'Europe. Ils demandent aux Européens de se rapprocher, de coopérer, mais l'Amérique du Nord, et notamment les États-Unis, ne le veulent pas. Parce que pour eux, si l'Europe se rapproche de l'Eurasie, c'est que l'Europe va se détacher de l'OTAN, de l'Amérique du Nord, et l'OTAN va s'effondrer. Alors, il y a une lutte féroce qui se livre à ce niveau. Et les Européens sont pris entre leurs intérêts immédiat dans un contexte de paix et de coopération avec l'Eurasie ou la soumission encore au pouvoir prépondérant des États-Unis économiquement, technologiquement, militairement. Et c'est très intéressant comment, quand au lendemain des attentats de Paris, Hollande a dit qu'il allait collaborer avec les Russes pour bombarder Daesh. Les Américains et l'OTAN sont intervenus très vite. On dit, ah, attention, attention, on ne va pas laisser la France y aller toute seule et se rapprocher trop de la Russie. Nous allons bombarder nous aussi. Alors, Cameron a obtenu un vote au Parlement. Même Angela Merkel, l'homme de l'année, de Time Magazine, a également lancé l'aviation et les soldats allemands. Et les Américains ont dit qu'ils allaient redoubler d'efforts. Donc, c'est vraiment à ce niveau qu'il faut vraiment voir ce qui se passe en Syrie et ailleurs, comment toutes ces révolutions du printemps arabe ont été dévoyées, détournées, instrumentalisées. Et je pense que si on comprend le contexte dans lequel ça se déroule, ça peut nous aider à voir plus clair. D'accord. Il est 20h30. Donc, j'imagine que vous avez d'autres choses à faire ce soir. Mais je vous invite à rester pour peut-être une quinzaine de minutes si vous voulez discuter entre vous, peut-être avec les invités. Donc, c'est ça. Avant de terminer, parce que c'est vrai qu'on parle de la France, mais la question de... principalement de l'islamophobie, elle est aussi locale, elle touche beaucoup de gens ici chez nous. Et ce 13 décembre, petit lapsus, il y a un rassemblement et une marche devant le bureau de Justin Trudeau, soit le 529 Jarry Est. C'est à la sortie du métro Jarry, en face, vous allez voir, avec sa petite photo, près du Jean Coutu. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Il va y avoir un rassemblement qui va commencer à 14h. C'est un rassemblement, justement, pour tout. Bienvenue tous les réfugiés et migrants, migrantes, non au racisme et à l'islamophobie. Donc, c'est ça, je vous invite à cette marche, et puis peut-être qu'on pourra discuter encore de ces... ces sujets vraiment intéressants. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.